Il n'y a pas Jacques et Joseph, car on pique sans trêve, des parties fait campagne, vous savez pas qu'est charmagne, car on fait la belle paille, monte là-haut la montagne, d'un seul résolution, face à dépitation. Zot, l'été d'un l'incompréhension, l'été vraiment total, le monde est dit, ça bat la Vautrer dessus la plage, la Réunion ou bien d'un cité béton. Quand il t'est la morale, ça t'est à balle. Malgré ça, tu figures lendemain coup de vent. Et we walk, ça n'avait plus de vent. Aslam alouya, aslam alouya, aslam alouya, aslam alouya, aslam alouya. Bonjour André. Bonjour Lola. Tu es au Québec depuis 4 ans. Oui, ça va faire bientôt 4 ans au mois d'août. Et tu viens de l'île de la Réunion. C'est ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené au Québec de l'île de la Réunion? Eh bien, on nous a donné l'opportunité de venir étudier ici au Québec. Moi, en fait, ça faisait déjà quelques années depuis que j'étais au secondaire que je voulais venir au Québec. Pourquoi? Parce que c'est loin déjà, je voulais partir loin. Et aussi, c'est une petite province qui parle français. Oui. Vu que je ne me débrouille pas trop bien en anglais. Fait que je me suis dit, partir loin, oui, mais ce serait mieux dans un endroit où je parle la langue. Okay. Ensuite, après, quand j'ai terminé mon secondaire, je ne savais pas trop comment faire les démarches pour venir au Québec. Et là, j'ai commencé à entendre parler d'un programme qui nous finance pour venir étudier ici au Québec. Ça s'appelle l'ADOM. Mais ça faisait déjà de nombreuses années que des Réunionnais venaient ici au Québec pour étudier. Fait qu'on a passé des entretiens, des tests pour voir si on était solide psychologiquement pour quitter sa famille, partir loin comme ça pour 3 ans. À ce moment-là, tu as 16 ans, 17, 18 ans? Non, Mais moi, du coup, j'avais déjà 20 ans parce que après mon secondaire, je suis partie 2 ans à la fac, à La Réunion. Du coup, ça m'a donné un peu de temps pour préparer mon projet. Et à 20 ans, depuis que j'avais 16 ans, j'avais déjà l'idée de venir au Québec. Donc, à 20 ans, c'était sûr, certain que je voulais venir ici, là. Et comme je disais, on a passé des tests, des entretiens pour voir si on pouvait venir ici et justement supporter l'éloignement. Puis on nous a attribué une bourse d'études. Et aussi du financement pour le billet d'avion et tout ça. Oh, c'est bien. Et à la fin des 3 ans d'études, on nous propose un billet retour pour rentrer à La Réunion. Pour des vacances ou y rester si finalement le Québec ne nous plaît pas. Ben, donc, après mes 3 ans, j'ai utilisé ce billet d'avion retour là, mais pour revoir ma famille, pour des vacances, parce que moi donc j'ai décidé. Tu es allé en vacances. C'est ça, parce que moi j'ai décidé de revenir ici. Très bien. Et quand tu planifies ce voyage-là, tes parents, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que là, ils voient leur fille partir pour 3 ans. Et pas dans le pays à côté, là. C'est sûr. Surtout qu'à La Réunion, la famille, c'est genre... C'est vraiment très proche. C'est vraiment rare. Je veux dire, dans la majorité des cas, les familles réunionnaises, elles restent toutes ensemble. C'est vraiment rare qu'on voit un jeune qui part loin, comme ça. Il y en a quand même pas mal, parce que je ne suis pas venue ici toute seule, comme jeune, je veux dire. Mm-hmm. Mais c'est vraiment difficile. Et moi, par exemple, mes parents, même s'ils n'étaient pas pour mon projet, ils m'ont appuyé quand même. OK, donc ils n'étaient pas. Non. Ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient, non, tu restes avec nous. Et, okay. Mais ils ont dit, si c'est ton choix, c'est ça. Tu peux aller. Même là, quand j'étais de retour en vacances, ma famille me disait, ils ne comprenaient pas, mais pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi? Il y a la neige, genre la moitié de l'année. Il fait froid ici, il y a soleil, il y a la plage. Pourquoi tu veux aller là-bas? J'ai dit, ben, ma vie, c'est là-bas. J'ai fait déjà 3 ans ici, fait que je me suis déjà habituée. Puis, voilà, quoi. Quand tu pars comme ça, est-ce que tu pars seul? Tu disais tantôt, nous étions quand même plusieurs. Est-ce que vous arrivez en groupe ici? Oui, c'est ça. On est un groupe de jeunes qui vit en même temps, mais quand je dis on part seul, c'est sans famille, évidemment. Oui, tout Oui, à c'est fait. ça. Et quand vous arrivez ici, est-ce que tout le monde va être placé dans la même région ou vous êtes dispersé un peu partout au Québec? On est dispersés. En fait, depuis la Réunion, on a le choix. On a le choix de la ville, du cégep qu'on voudrait aller, en fonction du programme qu'on veut étudier. Fait qu'on est regroupés par ville et par cégep. Et toi, tu avais choisi Trois-Rivières. Oui. Des raisons particulières? Est-ce que Tu veux c'était le cégep, dire. le cours au cégep ou. Il y avait eu gestion de commerce dans d'autres cégeps, je crois, OK. mais j'ai choisi Trois-Rivières en visitant un peu Google. OK. J'ai vu que Trois-Rivières était une belle ville et ça m'a plu. Fait que j'ai décidé en fonction des images que je voyais sur Internet. Parle-moi un peu de la différence, les premières différences que tu constates quand tu arrives entre l'île de la Réunion et le Québec. D'abord le climat, j'imagine, la Oui. géographie peut-être, la façon de vivre en société. Qu'est-ce que. Oui. Sais-tu me parler un peu d'abord de ton pays? Comment c'est l'île de la L'île de Réunion? la Réunion, ben, c'est soleil toute l'année, là, je veux dire. Même en hiver, il fait chaud. Tout à fait, hein? Est-ce que vous avez, écoute, là, je connais vraiment pas. Oui. Est-ce qu'il y a une saison des pluies? Oui, ben, c'est dans la saison où il fait très chaud, justement. Mais la pluie, c'est pas sur toute l'île, là. Moi, comme je suis dans l'Est, il y a beaucoup de pluie dans l'Est, par exemple. Donc oui, c'est décembre, janvier, février que là, il y a beaucoup de pluie, il y a même des cyclones. Ah Enfin, c'est oui, rare, mais quand même. il y a quand même des cyclones qui passent tout près de l'île. Mais c'est dans cette période-là où il fait vraiment très chaud aussi. Est-ce que c'est une chaleur humide ou une chaleur sèche? Tu sais, quand on est à Trois-Rivières, en plein milieu Oui. de l'été, parfois il y a des journées qui sont très lourdes, Oui. très humides. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve à l'île de la Réunion? Je vais dire que ça dépend. Ça va dépendre des périodes là, parce OK. que par exemple cette année quand moi j'étais là-bas, c'était une chaleur très très sèche là. C'était vraiment pesant. Je crois que c'était une des années où il faisait le plus chaud à La Réunion même. Ah, quand même. Ouais. Mais comme je disais, comme moi j'habite dans l'Est, il y a quand même beaucoup de pluie, donc c'est quand même humide aussi là. Fait que Bon. Et quand tu arrives ici, donc tu arrives, j'imagine, pour la session d'automne, Oui. tu arrives à la fin de l'été, fin mois août, début Oui. septembre, quelles sont les premières réactions? Alors moi, j'ai vraiment adoré l'automne quand j'ai vu les feuilles pour la première fois, les arbres, le paysage, c'était vraiment beau. Je suis vraiment tombée en amour de tout ce paysage-là. C'était. Voilà, j'étais vraiment. Quand je suis arrivée ici, j'étais comme dans un cadre de vacances, de colonie de vacances. Donc là, je ressentais pas l'éloignement, le manque de la famille, tout ça. Là, c'était beau, je découvrais l'architecture des bâtiments aussi. C'est vraiment pas la même chose qu'à La Réunion. On se dit, ah, oh, c'est comme dans les films, genre Oui. les films familiales qu'on voit à la télé. C'est vraiment pareil. Genre la petite ville, c'est toute colorée. Les bâtiments en briques et tout ça. Ah oui, pour moi, Oui. c'est gris. Ah oui. Pour moi qui ai toujours vécu ici, ce qui serait coloré, ce serait l'océan, ce serait OK. la forêt. Pour moi, c'est gris. Alors toi, tu vois les couleurs Oui, ici. moi je trouve que c'est super coloré, surtout en été, en automne, c'est beau, Oui, c'est c'est vrai. magnifique. C'est vrai, C'est vrai l'automne. qu'en hiver, c'est blanc. Oui, C'est oui. blanc et gris. Mais sinon, moi, j'aime bien le paysage ici, c'est apaisant. C'est un paysage apaisant et calme, je me sens bien, Mais on tu as est quand calme. même visité Montréal. Oui, Est-ce que tu aurais c'est la pas. même. Oui, là, tu n'as pas la même Oui, impression, c'est pas la même chose, Montréal. C'est pour ça que je suis restée à Trois-Rivières, là. Et j'aime bien rester à Trois-Rivières. Montréal, c'est une vie plus. C'est quand même. Je trouve que Montréal, ça me bouscule un peu, en fait. Oui. C'est très, très dense, très, beaucoup de personnes. Ce que j'aime à Montréal, c'est vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ethnicités différentes. Oui. C'est ça que j'aime beaucoup et... C'est l'avantage d'ailleurs. Puis on peut aussi manger les nourritures. C'est ça, on trouve vraiment de tout. Oui. Justement, si je veux manger de la nourriture de chez nous, il faut aller chercher à Montréal. Mais je veux dire, si je suis venue au Québec, justement, c'est pour chercher une différence de ce que j'avais connu à La Réunion. Fait que le calme, la sérénité, les petits paysages tranquilles, ça me C'était va très parfait. bien, très bien. Et bon, on revient toujours au moment de ton arrivée. Là, il y a l'accent québécois, Oui. qui est quand même très différent que tout ce que tu as entendu avant. Alors ça, c'est Effectivement. comment au début? Pour être honnête, je comprenais rien. À mon arrivée, c'était vraiment difficile, surtout pour les cours. Quand mes professeurs parlaient, Même mais les profs. oui, j'avais du mal avec certains profs. Il y en a qui prenaient leur temps pour bien articuler, mais il y en a d'autres qui sont vraiment à fond dans leur cours. Et au début, c'était vraiment, j'avais vraiment de la difficulté pour essayer de comprendre les cours, mais avec le temps, on va dire que mon oreille s'est adaptée. Maintenant, c'est pour moi. Écouter par exemple les infos en québécois ou écouter les infos en France, C'est la même c'est chose maintenant. voilà, maintenant ça me fait plus mal à l'oreille, hein, on va dire. Et au niveau des relations avec les gens, Ah oui. est-ce que tu as trouvé que les Québécois étaient faciles à approcher ou difficiles à approcher? Par exemple, pour des relations d'amitié ou pour des relations amoureuses ou même au niveau du travail, en équipe ou autre. Ben, je vais dire que moi, j'ai trouvé que les Québécois étaient très sympathiques et on parle très facilement. Moi, je parle très facilement avec les Québécois. On s'entend très bien, mais ça reste un cadre, par exemple, à l'école, un cadre d'école. Exact. Au travail, un cadre de travail. Ça m'est arrivé de sortir avec des collègues ou avec des amis à l'extérieur du cégep, mais on va dire, une fois que l'école est terminée, c'est après, c'est chacun chez soi. En même temps, quand on arrive à 20 ans au Québec, on a laissé tous nos amis là-bas à La Réunion. Ici, les gens de 20 ans, ils ont déjà leur groupe, ils ont déjà Ah oui. leurs amis. Et que s'infiltrer un peu là-dedans, c'est un peu difficile. On va dire, du coup, c'était plus facile pour moi de me faire des amis avec d'autres, soit des Québécois qui venaient d'ailleurs, loin, là, par exemple, ou soit avec d'autres immigrants. Ah. Parce qu'ils étaient donc, du coup, dans la même situation que moi, là, et Exact. qu'on se retrouve ensemble. On dit des Québécois que sous une apparence de très grande ouverture, ce sont quand même des gens qui donnent difficilement leur amitié. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi avec le temps, là, parce que maintenant, ça Oui. fait déjà ta quatrième année, là. Je dirais oui, pour la plupart des cas, mais il y en a quand même des gens, ben, comme par exemple notre amie en commun, Oui, Anne. oui, Anne. Ben, je trouve qu'elle, je me suis liée d'amitié assez rapidement avec elle. Et ça dépend vraiment des personnes, moi, je dirais. Après, Tu n'en ferais pas une règle générale. non. Tu dirais, c'est vraiment pour les Québécois, c'est du cas par cas. Oui. Un, c'est facile, l'autre, ça va être plus C'est difficile. ça. OK. C'est ça aussi. Et puis, je veux dire, en même temps, dans ma classe, j'avais des jeunes plus jeunes que moi aussi. Fait qu'en même temps, si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est quand même un peu normal. Mais c'est ça. Donc oui, moi, j'ai quand même un peu de difficulté à me faire des amis québécois. Même Mais aujourd'hui. même aujourd'hui, OK. mais je veux dire, je pense pas que ce soit une généralité, OK. parce que je connais quand même des Réunionnais qui ont quand même pas mal d'amis québécois aussi. Après, ça dépend de la personnalité. Moi, ma personnalité ne fit pas forcément avec les gens avec qui j'étais en cours, Oui, etc. exact. Et puis, il y en a d'autres, ça fitait, donc c'était tout à fait normal qu'ils avaient des amis Oui. plus rapidement que moi. Fuiter, pas fuiter, ça c'est. Oui, Ça excusez. vient pas du langage réunionnais, hein? Non, c'est sûr. Est-ce que tu vois que que ton langage s'est coloré avec le temps Oui. d'expressions ou de choses plus spécifiques au Québec? Oui, c'est ça. J'ai remarqué, moi, ben, je me suis appris moi-même à utiliser des expressions québécoises parfois. Et, mais ça ne me dérange pas, au contraire, c'est. Parce que maintenant, tu es québécoise d'adoption, là. Hein, quand C'est même. ça. Mais Et là, j'aime bien. tu fais ton cours. Tu me disais tantôt que durant tes 3 années de cours, que tu as quand même Oui. travaillé dans ton domaine d'études, qui est. Qui est gestion de commerce. Okay. Donc, tu as pu avoir des occasions de travail. Et Oui. ça, pour le travail, est-ce que ça s'est bien passé pour toi d'être accepté en milieu de travail, les relations de travail, est-ce que c'était facile? Oui, moi j'ai été. Ben, à chaque fois que je cherchais du travail, j'ai quand même trouvé du travail assez facilement. Et je m'entendais à chaque fois très bien avec mes collègues aussi. Il n'y avait pas de problème. Je pense pas. Je veux dire, on regardait pas le fait que j'étais étrangère. Ah, toi, si c'était le cas, toi, tu ne le sentais absolument pas. Non. On ne t'a jamais laissé sous-entendre ou laisser voir qu'il pouvait y avoir un problème de ce Non. côté-là. Au contraire, moi, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient en savoir un petit peu plus sur moi, qu'ils voulaient apprendre un peu plus Très sur bien. moi, justement, qu'ils étaient intéressés par ma culture. Moi, j'ai vu plus ce côté-là. Bon, c'est excellent. Oui. Ça fait plaisir.